qu'on a dans la tête ne vaut pas le détour. Trop différent peut-être, nous n'avons pas le même discours. Toi tu te sens si bien comme ça, mais moi je veux pas vivre à rebours. Lorsqu'un monde ne me convient pas, je me trouve un monde de secours. J'ai fini par m'y faire, tu vois, et quand c'est toi, je m'y fais toujours. Mais qu'est-ce qu'il en fait tellement froid, un courant d'air d'amour. T'es pas honnête, t'es pas faite pour l'amour. Tu aimes bien mieux faire la fête, ça tombe bien, j'suis un peu troubadour. J'pourrais bien te le chanter comme ça, ou te l'écrire sur du velours. Sûr qu'encore tu ne me verrais pas, à force d'y croire peut-être qu'un jour. J'ai fini par m'y faire, tu vois, et quand c'est toi je m'y fais toujours. Je m'y fais toujours. Mais qu'est-ce qui nous fait tellement froid, un courant d'air d'amour. Tellement froid, un courant d'air d'amour.